mindfulness on the feelings. There are three kinds of feelings: pleasant feeling, unpleasant feeling, and neutral feeling. In Pali, sukha vedana, dukkha vedana, upekkha vedana, or adukkha masukha vedana. Neither pleasant nor unpleasant, neutral feeling. Nous sommes pour le moment occupés à parler de Vedana Nupassana, l'attention aux sensations. Il y a trois sortes de sensations, les sensations agréables, les sensations désagréables et les sensations neutres. Sukha Vedana, Dukkha Vedana, Upekkha Vedana ou encore Adukkha Asukha Vedana, les sensations qui ne sont ni agréables ni désagréables. Seuls les pratiquants vipassana expérimentent ces trois types de sensations. Ce n'est pas possible de les expérimenter par la pratique de samatha. Si donc on ne pratique pas vipassana, on n'expérimentera pas ces trois types de sensations. Si on n'expérimente pas ces trois types de sensations, on ne pourra pas comprendre l'enseignement du Bouddha. On ne comprendra pas le Dhamma. Ce Dhamma qui est profond, subtil, délicat et qui n'est visible que par l'œil de la sagesse. Seuls les méditants Vipassana réussissent à voir clairement. C'est pourquoi Vipassana est très précieux. Pour comprendre ces trois types de sensations, il faudra investiguer notre propre corps et notre propre esprit par la pratique de Vipassana. Si vous pratiquez de façon diligente, avec ardeur, en suivant les instructions du Bouddha, vous réussirez à expérimenter ces trois types de sensations. Mais si vous ne pratiquez pas de façon diligente, vous ne pourrez pas les expérimenter. Vous vous direz, pourquoi faut-il que j'observe ces sensations douloureuses? Est-ce réellement nécessaire de pratiquer la méditation Vipassana? Si vous avez par contre expérimenté les sensations désagréables et que vous les avez surmontées dans une certaine mesure, la confiance va se manifester. Si la confiance se manifeste, vous aurez plus d'énergie, une énergie physique et une énergie mentale. Vous ne voudrez plus arrêter votre pratique. Vous veillerez à ne rater aucune annotation. Ceci, c'est le bénéfice de la pratique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des avantages qu'il y a à expérimenter ces trois types de sensations par la pratique de Vipassana. Nous devons commencer par comprendre la position du Putujana, de l'être ordinaire. Pourquoi devons-nous comprendre ces sensations? Nous sommes des Putujana, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore atteint aucun des stades d'illumination. Nous essayons pour l'instant d'atteindre l'un ou l'autre de ces stades d'illumination. Mais nous sommes encore des êtres non illuminés. Et les êtres non illuminés, les Putujana, vivent dans Kama Bhava, le monde des plaisirs sensuels. Le Putujana aime voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser. Il se complaît dans ces choses. Il est très attaché aux belles visions, aux jolis sons, aux bonnes odeurs. Il aime manger beaucoup et des choses délicieuses. Il aime avoir des contacts physiques agréables et il aime beaucoup penser. Nous sommes donc des êtres non illuminés et c'est la nature des êtres non illuminés de se complaire dans ces choses. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout intéressés par la méditation, ni par samatha, ni par vipassana. Tout simplement parce que lorsqu'on médite, il faudra respecter les règles, et ces règles sont très strictes. On demande au méditant de ne pas se permettre de regarder autour de lui. Il ne pourra pas parler, il ne pourra pas écrire, il devra se comporter comme s'il était malade, en ralentissant tous ses mouvements. Tout cela est très difficile. Il devra également pratiquer le contrôle des sens. Donc, Pour toutes ces raisons, il n'y a que très peu de gens qui sont intéressés par la méditation. Si vous êtes intéressé par la méditation, vous devez comprendre que vous êtes des personnes vertueuses. Le Bouddha nous dit qu'il faut faire la différence entre ces deux choses, samissa et niramissa. Samissa veut dire associé au plaisir sensuel. Niramissa veut dire pas associé au plaisir sensuel. Hier, je vous ai expliqué les sensations douloureuses, dukkha, les sensations plaisantes, sukha, et les sensations neutres, upekkha. Il s'agissait chaque fois des sensations déplaisantes qui n'étaient pas associées au plaisir sensuel, des sensations plaisantes qui n'étaient pas associées au plaisir sensuel et des sensations neutres qui n'étaient pas associées au plaisir sensuel. On pourrait l'exprimer autrement et dire qu'il y a les sensations agréables mondaines, les sensations désagréables mondaines, les sensations neutres mondaines et ensuite les sensations agréables supramondaines, les sensations désagréables supramondaines et les sensations neutres supramondaines. Nous avons expérimenté la sensation désagréable mondaine, la sensation agréable mondaine et la sensation neutre mondaine. La sensation agréable mondaine, c'est par exemple lorsque nous sommes heureux dans la vie. Nous sommes heureux d'avoir une gentille famille, des amis, des relations. Nous vivons paisiblement avec notre entourage, nous sommes heureux. Nous avons des biens matériels, de l'argent, tout cela nous rend heureux. Toutes ces choses sont les sensations agréables mondaines. Ce sont donc des sensations agréables associées au plaisir sensuel. Mais il ne sera pas possible d'être toujours heureux dans la vie. Parfois, il y aura des disputes dans la famille, entre les amis. Parfois, nous perdrons nos possessions. Tout cela va nous rendre malheureux. Le Bouddha a parlé de différentes sortes de souffrances. Le fait d'être associé à ce que l'on n'aime pas, le fait d'être séparé de ce que l'on aime, ne pas obtenir ce que l'on désire, tout cela, c'est la souffrance. Et donc, si nous expérimentons la souffrance, nous connaîtrons les sensations désagréables associées au plaisir sensuel, autrement dit, les sensations désagréables mondaines. Parfois, vous ne serez pas tellement intéressé par ce qui se passe autour de vous, vous ne serez pas tellement intéressé par les autres, et vous expérimentez, dans ce cas, les sensations neutres mondaines. Vous vivez dans le monde des plaisirs sensuels, et vous expérimentez donc tous ces types de sensations, mais vous ne comprenez pas que ces sensations apparaissent et disparaissent constamment. Vous aimez même cette succession de sensations différentes. Lorsque vous expérimentez la souffrance, le malheur, vous ne savez pas qu'il s'agit là de sensations désagréables mondaines. Tout cela, c'est l'ignorance. Lorsqu'on pratique Vipassana, on nous demande de suivre les instructions du Bouddha. Le Bouddha nous demande de pratiquer les quatre établissements de l'attention. Autrement dit, d'être attentif au corps, aux sensations, à la conscience et au Dhamma. Lorsque donc les sensations vont se manifester dans le corps, il faudra les noter. Si le méditant note ces sensations, il les verra telles qu'elles sont réellement, c'est-à-dire qu'il verra qu'elles sont impermanentes, insatisfaisantes, insubstantielles. Pour comprendre clairement l'impermanence, la souffrance et l'insubstantialité, il faut noter attentivement et avec précision. En posture assise, nous devons rester assis immobile, calmement. Si nous restons assis immobile, nous verrons les sensations désagréables apparaître tôt ou tard. Nous ressentirons de la fatigue, des tensions, des pressions, etc. Il faudra alors que nous notions attentivement toutes ces sensations. Le seul devoir du yogi, c'est de noter attentivement tout ce qui se manifeste. Il doit pratiquer l'attention pure. Il doit toujours être conscient. si nous notons ces sensations et que notre attention est devenue puissante, nous remarquerons toutes sortes de choses, nous expérimenterons toutes sortes de choses. Si la douleur n'est pas très forte, vous ne remarquerez peut-être pas grand-chose. Mais si la douleur devient très intense, vous verrez apparaître, par exemple, la colère, le mécontentement, le découragement. Ce type de sensations que vous expérimentez alors sont la souffrance qui n'est pas associée au plaisir sensuel. Une souffrance qui n'est pas connectée au plaisir sensuel. Ce que vous faites, c'est essayer de comprendre la vérité supramondaine. Mais il n'y aura pas que des sensations physiques, il y aura également des sensations mentales. Imaginons par exemple que vous fassiez un puissant effort pour essayer de noter attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous travaillez avec Sadda, mais votre esprit n'atteint pas la cible. Vous ne réussissez pas à le maintenir sur l'objet. Le découragement va alors apparaître dans votre esprit. Vous êtes mécontent. Ce découragement, ce mécontentement, ce sont des sensations désagréables qui ne sont pas associées au plaisir sensuel. Vous maintenez votre effort. Vous comprenez que votre attention est encore relativement faible. Vous intensifiez alors votre effort et finalement, vous réussissez à noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen avec précision. Vous êtes devenu capable de résister à la douleur. Vous pouvez rester assis sans bouger pendant une heure. Votre esprit est devenu très calme. Tout cela va faire surgir le bonheur en vous. Vous êtes heureux, vous avez confiance, parce que vous avez réussi à maintenir votre esprit sur l'objet. Et vous voyez clairement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. En plus, vous expérimentez toutes sortes de choses. Votre esprit est absorbé dans l'objet. Au début, vous n'y arriviez pas. Votre esprit ne restait pas fixé sur l'objet. Mais maintenant, vous êtes capable de tout noter. Vous expérimentez la douleur comme étant, en fait, moins intense qu'au début. Tout cela, ce sont les sensations agréables qui ne sont pas associées au plaisir sensuel. Le bonheur que vous expérimentez à ce moment-là est une sensation agréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel. Au début, le méditant n'arrive pas à maintenir son esprit sur l'objet. Son esprit n'atteint pas l'objet. Il va alors fournir un effort, une énergie mentale, pour noter très attentivement. Et tôt ou tard, l'esprit qui note, c'est-à-dire l'attention, va pénétrer l'objet. Elle va s'y maintenir. La confiance va alors apparaître. Le méditant sera satisfait de sa pratique. Il se dira « J'ai réussi à noter attentivement. Je suis capable d'observer la douleur, les engourdissements, sans changer de posture, sans abandonner. Mon esprit est capable de pénétrer l'objet. Tout ceci fait surgir en lui la satisfaction. » Au début, vous vous efforcez de noter le mouvement de soulèvement en tant que soulèvement, le mouvement d'abaissement en tant qu'abaissement. Mais votre esprit ne reste pas fixé sur l'objet, il ne le pénètre pas. Comme votre observation est superficielle, les pensées envahissent votre esprit. Il y a des souvenirs, parfois vous critiquez mentalement, parfois vous faites des projets d'avenir. Votre esprit n'est pas dans l'objet. Mais maintenant, lorsque vous notez le mouvement de soulèvement, vous pouvez voir que votre esprit pénètre dans cet objet, qu'il y adhère. Lorsque vous notez le mouvement d'abaissement, vous pouvez voir que votre esprit pénètre dans cet objet. Lorsque vous notez la douleur, votre esprit pénètre également dans cet objet. Vous remarquez toutes sortes de douleurs, et vous êtes en mesure de les accepter. Plus vous notez, plus vous voyez clairement que ces choses n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. Lorsque vous serez devenu capable de noter l'objet très clairement, lorsque vous serez capable de gérer les douleurs, une sorte de bonheur va se manifester en vous. Vous serez heureux parce que vous êtes capable de noter le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, vous êtes capable d'observer et de gérer les douleurs. Vous êtes alors très excité parce que vous voyez tout apparaître et disparaître. Lorsque vous observez le mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous pouvez voir très clairement qu'il n'y a pas qu'un seul mouvement. Il y a une série de petits mouvements de soulèvement et une série de petits mouvements d'abaissement qui se succèdent très rapidement. Vous voyez tout cela très clairement. Lorsqu'il y a une sensation d'engourdissement, par exemple, vous êtes capable de la noter et après quelques instants très brefs, cette sensation disparaît. Vous voyez cela très clairement. Votre esprit va devenir très alerte, alors qu'au début, il était paresseux, il n'était pas intéressé par la pratique, il y avait beaucoup de somnolence et de torpeur. Mais maintenant, c'est très différent. Votre esprit est très alerte, et il y a énormément d'objets à noter. Vous êtes capable de les attraper à l'instant même où ils apparaissent, et vous les voyez disparaître l'instant d'après. Lorsque votre attention est devenue forte, il y a énormément d'objets à noter dans le corps. L'esprit est très vif et très alerte. Vous serez alors très motivé par la pratique. Vous vous direz « j'y suis arrivé, j'y suis arrivé ». Votre esprit sera très clair et très frais. Il y aura alors une sorte de motivation qui va apparaître en vous. Lorsque vous pratiquez, vous expérimentez toutes sortes de sensations désagréables, de la fatigue, des douleurs, les douleurs sont parfois coupantes, piquantes, pressantes. Vous expérimentez également toutes sortes de sensations agréables. Votre esprit est très motivé, très clair, très frais. Vous disposez dorénavant d'un adaptateur. Cet adaptateur, c'est l'attention. Si vous n'avez pas cet adaptateur, si vous n'avez pas cette forte attention, vous ne pourriez pas vous montrer patient, ni avec la nourriture, ni avec le climat, ni avec l'infrastructure, ni avec rien. Cet adaptateur, c'est Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara, c'est la capacité à s'adapter à tout. Ce Yoniso Manasikara est un facteur qui va permettre d'atteindre l'illumination. Le Bouddha nous dit que pour atteindre l'illumination, il faut que 4 conditions soient remplies. La première, c'est d'être associé avec les personnes vertueuses. La deuxième, c'est d'écouter les enseignements. La troisième, c'est de disposer de Yoniso Manasikara. La quatrième, c'est de pratiquer dans le but d'atteindre les 9 Lokuttara Dhamma, les 4 Magas, les 4 Palas et Nibbana. Si donc nous sommes en mesure d'expérimenter les sensations neutres, cela veut dire que nous avons réussi à développer ces qualités dans une certaine mesure. Mais pour expérimenter les sensations neutres, il faudra fournir un très gros effort. Si vous réussissez à expérimenter les sensations neutres, cela veut dire que vous aurez réussi à voir apparaître et disparaître tous les objets que vous notez. Voir ces apparitions et disparitions, c'est une sorte de connaissance. Lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous les voyez apparaître et disparaître. Vous voyez ces apparitions et disparitions pendant la marche, lorsque vous observez les phases du pas, dans toutes les sensations que vous notez. Vous disposez à ce moment-là de beaucoup d'énergie. Vous n'avez plus peur et ne redoutez plus d'être seul. Vous comprenez également combien il est important de maintenir le regard dirigé vers le bas, combien il est important de ralentir ses mouvements, parce que vous savez que si vous perdez l'attention, ne fût-ce qu'un instant, les impuretés vont pénétrer dans votre esprit. Vous ne comprendrez plus rien. Lorsque vous aurez expérimenté les 3 types de sensations, vous connaîtrez en fait ce que veut dire les sensations neutres. Lorsque les sensations désagréables vont se manifester, Elles ne vous feront plus peur, car vous savez comment les surmonter. Vous savez comment les gérer par l'attention. Lorsque les sensations agréables vont se manifester, vous ne serez plus tellement excité. Vous saurez également comment les gérer. Vous saurez adapter votre comportement. Vous expérimenterez alors spontanément les sensations neutres. Vous serez capable d'emmener votre adaptateur, autrement dit votre attention, partout avec vous. Vous aurez expérimenté les trois types de sensations. Mais avant d'atteindre ce stade des sensations neutres, il faudra que le yogi soit encouragé par le professeur, surtout les débutants. Le professeur doit souvent dire à son élève de faire preuve de patience, de persévérer, de maintenir son regard dirigé vers le bas. Il doit l'encourager, car l'esprit de ce méditant est encore faible. Mais dès que le yogi aura atteint ce stade, le stade des sensations neutres, ce ne sera plus nécessaire de l'encourager, car ce yogi disposera alors de sadda, son esprit sera mûr, c'est un yogi qui ne va plus abandonner la pratique. C'est pour cela que nous devons nous efforcer de pratiquer de façon diligente dans le but d'atteindre ce stade. Dans notre pays, il y a une pagode très célèbre du nom de Taitiyo Pagoda. Cette pagode a été construite au bord d'un rocher, tout en haut d'une montagne. Et il y a beaucoup de pèlerins qui s'y rendent, parce que il y a un cheveu du Bouddha qui est sauvegardé dans cet endroit. Lorsqu'on arrive au sommet de la montagne, il y a encore 7 miles à franchir. C'est très dur, très difficile d'arriver à la pagode. Lorsque les jeunes se rendent à cette pagode, ils doivent également faire un gros effort, ils marchent lentement et fournissent beaucoup d'énergie. Les personnes qui en descendent les encouragent alors et leur souhaitent de poursuivre leur effort, de ne pas abandonner, et les assurent qu'ils arriveront bientôt. C'est la même chose ici. Lorsque on voit les méditants qui font des efforts pour essayer d'atteindre le stade des sensations neutres, le professeur doit les encourager. Il leur demande de ne pas abandonner, de poursuivre leur pratique, de travailler de façon diligente, d'être attentifs sans interruption, de ne pas perdre leur temps. That's enough for today. May you be well and happy and peaceful. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly, they really are, then attain Nibbana. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.